dans ses yeux noirs toute une histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle des chemins d'exil, les grands soleils d'anciens matins d'avril. Elle est comme orpheline d'une autre vie, elle sait qu'elle vient du sud par amnésie. Y'a tant de rires, y'a tant de larmes vécues, comme dans un film qu'elle n'a pas vu. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants. Au-delà des miroirs, malgré ses peurs, elle voudrait renaître de tout son être aux racines de son cœur. David a bien vaincu tous les géants, l'espoir a bien ouvert les océans. Y'a tant d'images dans ses yeux pleins d'espoir, y'a tant d'envie de tout savoir. Elle imagine